Ouais, Narcos, ça va ou quoi? Ah, je suis vénère là, franchement, laisse tomber. Toi, le rack, ça dit quoi? Ouais, pareil, je suis trop vénère là. Ah ouais, vénère. Putain, tout le monde est vénère. Ça rend vénère, trop de trucs qui rendent vénère. Écoute cet air, pas fait pour plaire, ne porte pas plainte pour le son dans tes enceintes. Si tes oreilles en ont marre, ça rend vénère et c'est normal. Ça rend vénère, trop de trucs qui rendent vénère. Écoute cet air, pas fait pour plaire, ne porte pas plainte pour le son dans tes enceintes. Si tes oreilles en ont marre, ça rend vénère et c'est normal. Ça rend vénère, quoi. Y'a pas de public, trop d'hypocrites qui te critiquent et qui te niquent. J'suis l'homme qui tombe à pic, rime, qui rend vénère. Jeune, petite gêne, sans jean, j'enchaîne. Parce que trop de trucs rendent vénère. Quand on refoule, on te boit. Quand t'es sous, quand tu bois. Quand t'es fou, quand tu vois. Trop de gars vénère qui te pompent plaire. Quand l'atmosphère est instable, vénère. Sans nos concerts de malade. Quand t'es coupable ou prends des coups bas. Quand t'es bas et veux remonter la pente. Quand tu te bats et qu'à tes fêtes de honte. Quand tu piges, le centaure, c'est la ruine. Que c'est la dèche dans ta cuisine. Vénère, quand t'imagines le pire. Pour ta famille, quand tu crains la faillite, ou bien pire la famine, ça m'énerve, j'ai les nerfs, ma tête tout le temps que j'aurais besoin d'une minerve. Et ça rend vénère, ça rend vénère. Trop de trucs qui rendent vénère, écoute cet air, pas fait pour te plaire, ne porte pas plainte pour le son dans tes enceintes. Si tes oreilles en ont marre, ça rend vénère et c'est normal, ça rend vénère. Trop de trucs qui rendent vénère, écoute cet air, pas fait pour te plaire, ne porte pas plainte pour le son dans tes enceintes. Si tes oreilles en ont marre, ça rend vénère et c'est normal. Narcos. Vénère, je le suis 24 heures par jour, même en dormant, je profère des injures. Je suis à bout de nerfs, j'aimerais me soigner, je te jure. Les épreuves de la vie, à petit feu me défigurent. À l'intérieur, c'est la guerre. Mon corps se fissure avec mon vécu de poissard. J'suis pas le figure, malgré tout dans ce bordel, j'suis pas le figurant. Décidé à me battre contre les problèmes récurrents. Vois-tu rester dans mon coin, ce n'est pas mon plan. Même si les galères atteignent le sommet du Mont Blanc. J'suis toujours à bloc, cœur rarement serein. Pour me fatiguer, faut plus que quelques tours de terrain. Heureusement, y'a le peura et la boxe pour se défouler. J'affronte la poisse en face quand je la vois débouler. Même si je préfère l'éviter comme ces bâtards. Tant de choses qui me vénèrent quand vient le soir, j'suis saoulé. Ça rend vénère. Trop de trucs qui rendent vénère, écoute cet air, pas fait pour te plaire, ne porte pas plainte pour le son dans tes enceintes. Si tes oreilles en ont marre, ça rend vénère et c'est normal, ça rend vénère. Trop de trucs qui rendent vénère, écoute cet air, pas fait pour te plaire, ne porte pas plainte pour le son dans tes enceintes. Si tes oreilles en ont marre, ça rend vénère et c'est normal. Vénère comme un mec qui coupe la priorité. Vénère quand je perds un PES sur de vieux buts. Vénère comme un facho qui passe que tes blagues veut te friter. Vénère quand certains parlent mal de là où j'habite. Vénère c'est vide qui se croit à l'entrée du paradis. Vénère quand je perds le contrôle, que ma vie n'est pas drôle. Vénère de se casser le dos au taf pour même pas un radis. Vénère, je me défoule, envoie des rimes carrées. Vénère quand je tease en soirée et que j'ai l'alcool violent. Vénère, mais pas aussi fou que Jim Carrey. Vénère quand je vois un mec défoncé qui prend le volant. Vénère, tu le sais, ben ouais, je suis perdant mauvais. Vénère la pauvreté quand les plus riches s'engraissent. Vénère, je veux tout casser comme José Bové. Vénère de devoir voter pour des pourris qui nous oppressent. Vénère, on n'y peut rien. Vénère au quotidien.